Chapitre 15. Renfort. L'aube s'élargissait par-dessus la forêt, et le vieillard restait indécis encore. Il était désormais impossible de lutter avec certitude contre l'homme fauve. Sa force, très supérieure, achopperait le combat ouvert. Toute embuscade échouerait devant sa prudence. On ne pouvait prendre du renfort aux tribus, distantes de plus de 2 semaines de marche. Reconnaître le territoire ennemi, y mener au retour une armée. Mais quelque obstacle infranchissable ne se dresserait-il point? La forêt avait-elle une fin? Longues furent ses prières et les rites qui faisaient chanter sa pensée. Aux flammes pâlies des bûches, aux arabesques des ramures, son regard chercha le défaut de l'énigme. Mais il ne dit rien. La sagesse des tribus veut que le chef prudent agisse sans faire hésiter le caprice inexpérimenté des jeunes. Il ramassa ses armes. Il étudia la direction de l'ombre, observa le vol de certains oiseaux, puis entraîna ses compagnons. Tous connurent bientôt qu'ils marchaient vers le sud. De grandes plaines s'étendaient par là jusqu'à de hautes collines, des plaines infécondes où de rares explorateurs s'aventuraient. C'était le territoire des chiens. Un peu plus au levant, en 6 étapes d'une journée, on eût pu joindre des tribus amies. Les jeunes s'étonnèrent, mais sans une parole. La journée s'écoula, rompue de brèves haltes. Jusqu'au soir, on garda l'orientation. La nuitée fut rude. Une pluie torrentielle se déversa sur la forêt 4 heures avant l'aube. Le feu s'éteignit. Les corps ruisselants grelottèrent à tous les souffles. Il fallut construire un abri, et la lumière était déjà abondante avant qu'on repartît. Fauves, les 4 hommes ne se parlaient plus. Une férocité émanait des choses. La pluie perçait tout ombrage. La terre enchaînait le pied dans des glaises lourdes. La rauderie des bêtes par les alliés menaçait âprement. Une bande de loups à distance commença de suivre en prévision d'une agonie. Les serpents se multiplièrent, suspendus effroyablement aux branches. La crainte de l'hiver fouettait les appétits. Il fallut disputer aux loups une biche abattue. La nostalgie des cabanes et des grottes filtra dans la poitrine des orientaux. Toute la grâce du foyer et du rêve les requit. Seul le vieillard impénétrable courbait sa nuque sous les averses, acceptait le sort contraire. La 2e nuit fut surtout froide. Heureusement, ils découvrirent un antre désert à l'orée duquel ils parvinrent à tenir un feu de brindilles. De bonne heure, on se remit en route, et la mousse des arbres, des vols d'oiseaux dirigés vers les plaines, suffirent encore à l'orientation. Elle se faisait moins sûre, pourtant. Des haltes nombreuses s'imposèrent. Les jeunes gens s'entre-regardaient, furtifs et sombres. Ils se tournaient vers l'est avec obstination. Vers la 8e heure, ils commencèrent d'échanger des paroles basses, et il apparut qu'un levain des révoltes les animait. Cependant, toujours, le vieillard marchait, robuste et fier. Il lui arrivait de penser tout haut, gravement, et même de rire avec une sorte d'enthousiasme. Sagace, dans le primitif de ses âges, il semblait qu'il eût la vue lointaine et double, une voix révélatrice dans son intimité. Le soleil au milieu du jour perça les nues. Une brume monta de la terre avec une senteur tiède très douce. Le vieillard étendit les mains, cria des prières vers l'astre, puis se tourna vers ses compagnons. Qui a le droit de se dérober à l'obéissance? Si le conseil veut ta cabane, tu dois ta cabane. S'il veut ton bras, tu dois ton bras. S'il veut ta vie, tu dois ta vie. Ne suis-je pas, malgré l'âge, le plus fort de nous et le plus avisé? Vos cheveux n'ont pas blanchi, et les esprits ne vous parlent pas encore. Courbez votre orgueil, ou il vous adviendra de grands maux. Alors le repentir et la terreur emplirent l'âme des jeunes. Ils se prosternèrent et connurent une fois de plus l'autorité de l'expérience. Le chef annonça que dès le crépuscule, on atteindrait la lisière. Ce que la présence des grands quadrupèdes migrateurs, amis de la plaine, confirma. La sécurité reparut et l'espoir, malgré la pluie, la forêt obscure où des fauves nocturnes erraient plus nombreux. Six loups périrent sous les flèches empoisonnées. Le reste s'éparpilla. L'homme sembla reprendre le sceptre. Mais les cataractes tombèrent plus drues. Un vent impétueux se rua sur les arbres. Les bêtes surgirent de l'ombre, inquiètes, et le groupe des hommes malmenés redevint lamentable. Les loups se regroupèrent. Le rire des grandes hyènes s'accentua sous bois. L'approche du soir doubla les voix hostiles, le clameur des vies haineuses. Les orientaux prirent le trot. Le souffle des loups haletait derrière eux, levant les aveuglait du vol des feuilles mortes. La paupière de la nuit chut rapide dans la tourmente, alors le chef s'arrêta. Le loup aux prunelles de phosphore fermait davantage son cercle. Il hurlait, ses lèvres levées sur des crocs aigus. On avait peu de flèches, le feu impossible. Il fallut bien se résigner à marcher de nuit avec d'infinies précautions. D'ailleurs, la lisière était le salut. Lentement, tenant les loups en respect à coups de sagaie, les trois Asiatiques poursuivirent leur chemin. À la troisième heure des ténèbres, la neuvième depuis midi, ils aperçurent l'éclaircie s'ouvrant sur la plaine. Le chef formait l'arrière-garde, plein de résistance dans ses fibres sèches, médusant encore la horde confuse des loups, mais près de succomber. Aux clameurs victorieuses des hommes, au loin des abois répondirent. Les loups hurlèrent dans une profonde angoisse. Puis on entendit une battue des alliés, le frôlement de centaines de corps invisibles, de brusques jappements et la défaite des loups, leur fuite au milieu des grondements de rage, des cris de massacre et d'agonie. Alors, tranquilles, les orientaux atteignirent la limite sylvestre. En troupe, sous la conduite d'un capitaine, les chiens alliés y attendaient leurs amis.